Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Aujourd'hui, nous recevons l'association de Monteux Souffle de Bulle. Nous recevons donc Amandine qui est la présidente. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Véronique qui est la maman de Lola. Bonjour. On en parlera un peu mieux tout à l'heure de cette association. Bonjour Josie. Bonjour toute l'équipe, bonjour nos invités. Bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Voilà, et avant de faire une petite pause, nous avons encore 4 repas à gagner au break. Donc si vous voulez téléphoner, on a un standard maintenant, vous aurez une voix... qui vous répondra? Nous, on prendra les notes. Vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone. Et le numéro, c'est le 04 88 50 18 21. 04 88 50 18 21. Ou alors sur notre page de Facebook. Voilà, vous mettez un petit mot avec votre nom et votre numéro de téléphone. Et voilà, et vous gagnerez des repas au break, 2 par 2, si vous avez votre petit copain. Voilà. Bon, je crois qu'on va faire une petite pause et après, on parle de souffle de bulle. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Nous sommes revenus sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Aujourd'hui, nous recevons Amandine, qui est la présidente de Souffle de Bulle. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Alors, l'association Souffle de Bulle a été créée dans le but de venir en aide à la famille de Lola, qui est atteinte de maladie orpheline. Et donc, nous, notre association, nous créons des événements pour pouvoir récolter des fonds et aider donc la maman de Lola à financer les nombreux frais médicaux qui ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale. Voilà, et la maman de Lola est là. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à créer cette association? Est-ce que c'est la rencontre entre vous deux ou c'est vous toute seule, Véronique? Non, à la base, c'est les amis et la famille, en fait, qui se sont réunis. Quand Lola a été opérée en 2012, et on avait fait un lâcher de ballon de Château d'Eau ce jour, la veille de l'opération, en fait. Et voilà, c'est la famille et les amis les plus proches qui ont monter cette association. Lola, à quel âge maintenant ? 13 ans. Et quand vous avez découvert sa maladie, elle avait quel âge ? 5 ans. 5 ans. Et comment c'est arrivé ? Comment vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Elle avait un défaut de marche, donc j'ai cru que c'était les chaussures qui posaient un souci. Et du coup, je l'ai amenée voir un neurologue et ça s'est avéré que non. Parce qu'à la naissance, il n'y avait aucun symptôme. Ah non, Lola, elle marchait, courait, c'était une enfant tout à fait normale. Quoi. J'aime pas trop ce mot, mais... Ah oui, oui, non, mais je comprends bien, oui, bien sûr, on n'aime pas ça. Et comment s'appelle sa maladie ? Alors, elle a deux pathologies. Elle a une dystonie génétique généralisée et une ataxie génétique cérébelleuse. Et les symptômes, c'est quoi exactement ? La première pathologie, c'est musculaire. Donc, elle a des contorsions, des spasmes au niveau de tout son corps et des muscles. Généralisé, ça peut prendre aussi le foie, la rate, déglutition. Voilà, ce qui permet aujourd'hui, l'implantation des électrodes permet que Lola marche aujourd'hui et qu'elle n'a plus de problème de déglutition. C'est comme un aspirine en fait, quand nous on a mal à la tête, ça ne la guérit pas, on n'a pas de solution parce qu'on ne connaît pas la mutation du gène. Et l'ataxie génétique cérébelleuse, c'est au niveau cerveau et là c'est encore plus compliqué. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour la soulager, pour peut-être espérer une guérison un jour ? Alors avant d'espérer la guérison, il faut d'abord trouver les mutations du gène, ce qui est compliqué parce qu'on a fait déjà de la recherche. Il y a 150 gènes qui ont été échus parce qu'en fait on connaît ces gènes-là sont normaux, donc on ne connaît pas en fait la mutation du gène, donc on est dans une maladie pure orpheline. Oui, c'est très difficile. C'est surtout bon, quand il y en a beaucoup, beaucoup de cas, la recherche avance, mais là, donc vous cherchez des fonds afin de Lola trouver... fait partie d'une équipe de recherche que Montpellier et l'hôpital Guy de Chauliac a créé. Ils ont une association pour les maladies orphelines et mouvements anormaux. Donc on envoie, nous, quand on fait des manifestations sur Monteux ou ailleurs, on envoie les fonds à cette association-là qui permet... à Lola de pouvoir aujourd'hui faire un prélèvement génétique qui coûte 1 500 € le gène. Quoi. D'accord, on va faire une petite pause et tout à l'heure, Josie va continuer à vous poser quelques questions. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. On m'a dit petit, le monde est noir ou blanc. Il y a ceux qui sont et ceux qui font semblant. Tu n'auras pas toujours ce que tu attends. C'est la vie, c'est comme ça. On m'a dit petit, descends de ton nuage. Toutes ces illusions ne sont que de passage. Tu t'en souviendras quand tu auras notre âge. FM 89.9 avec l'association Souffle de Bulle de Monteux et Véronique ainsi que Amandine, voilà. Alors, toutes les deux, je voudrais savoir, au sein de cette association, vous êtes combien de membres et si vous avez d'autres contacts avec d'autres associations au sein de la France, enfin, dans le milieu ou alors peut-être dans la région PACA. Alors, l'association, elle compte une vingtaine de membres. Après, pour les contacts, oui, moi j'ai eu des contacts avec une association sur Marseille, une sur Paris, parce que, en fait, c'est pas évident quand on vit cette situation-là financièrement, et tout n'est pas pris en charge. Donc, beaucoup de parents que moi je rencontre, en fait, à l'hôpital, dans l'équipe de recherche, ont monté leur propre association. Donc, on s'entraide, on s'appelle. On est un ami sur Facebook parce qu'on se tient informé quand nos enfants sont hospitalisés. Et heureusement, parce qu'on parle le même langage. Et ça, c'est super important. Et est-ce que tu as pu faire appel à une assistante sociale ou... Alors oui, j'ai vu des assistantes sociales, mais ça reste compliqué, quoi. Oui, c'est assez compliqué apparemment que ça soit. Et au niveau des hôpitaux, enfin, là où elle se fait suivre, est-ce que tu as aussi des soutiens? Parce que des fois, au sein des hôpitaux, il y a des psys, il y a des... Il y a. Dès que le milieu hospitalier voit que tu n'es pas bien ou que ça ne va pas, dans l'heure qui suit ou dans l'après-midi qui suit, il y a la psychologue ou la pédopsychiatre qui passe nous. Donc pour ça, oui. C'est un petit service, mais qui est très... Oui, parce que j'ai vu ça, oui. Est-ce que tu as, Claudie, tu as une question? Oui, est-ce que Lola va à l'école? Oui. Est-ce qu'elle est scolarisée? Oui, Lola est scolarisée au collège Abbé Daride, Exupéry. Elle est dans une classe Ulysse, et voilà, qui est spécialisée... Je crois qu'il n'y en a qu'une dans le Vaucluse. Oui. Et ils sont pas nombreux? Oui, ils sont 12 actuellement. C'est-à-dire que quand tu dis une classe Ulysse, c'est quoi? C'est une classe où il y a un monsieur... qui est responsable avec 5 AVS en fait, et ils sont 12. Donc Lola, sur des matières où c'est compliqué pour elle, elle est en classe Ulysse. Après, elle est en 5e 3, elle a une classe attitrée en 5e. Donc les matières où elle est à l'aise, elle est dans sa classe avec une AVS. Le temps de repas aussi, elle a son AVS. C'est vraiment très cadré, quoi. Il y a une infirmière qui est là aussi pour prendre des traitements. Dans une école spéciale, forcément, l'infirmière parle d'oliprane avec une ordonnance, mais va pas plus loin que ça. Alors que c'est vrai que là, il y a des traitements qui sont assez lourds pour Lola, parce qu'elle est sous Bépakine et Lédicen. Donc c'est des traitements au niveau qui atteint pour le cerveau. Donc c'est des traitements qui sont lourds, et tout le monde n'est pas habilité à donner tout ça. Et cette infirmière-là, elle peut le faire. S'il y a des soins à faire, elle peut aussi les faire, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, vous m'avez dit hors antenne... Le collège de Lola avait été choisi pour, vous m'avez dit. Alors, le collège de Lola de Bédaride ont participé au championnat de France, aux sélections de championnat de France de sport partagé, handisport. Et bien sûr, Lola et son équipe a fini première du classement général. Donc, Lola et son équipe est qualifiée donc, pour les championnats de France dans la ville de Troyes. Au mois de mai. Et donc, je crois que vous allez aller avec elle. Vous allez là. Bien sûr que oui. Et sur quel sport? Alors il y a la pétanque. Allez-y. Pétanque assise. Ouais. La sarbacane. Et plus après. Il n'y a pas le tir à l'arc? Course de. Non, la sarbacane, ils ne peuvent pas tirer à l'arc. Course d'orientation. Et plus. Bon, on en a oublié deux. On va faire une pause. Si vous le retrouvez, vous nous le direz. À tout à l'heure. Millie. Je t'ai en tête, je n'ai plus ma tête, je suis en miettes. jaune carnet Moleskine. Un jeune rêve qui bouge la vie qu'on nous destine. Je pleure des baisers qui alarment ton corps. À trop sangloter, on vire alligator. Je t'ai en tête, je n'ai plus ma tête. Je suis en miettes, je n'ai plus ma tête. Je t'ai en tête, je n'ai plus ma tête. Je suis en avec l'émission Bric-à-Bracaïdé et nous avons Véronique et Amandine qui est la présidente de Souffle de Bulle, une association de Monteux. Donc Véronique, votre... Très soudées les unes des autres, oui. Et comme vous me disiez tout à l'heure, c'est pas toujours triste. Vous avez de bons moments avec Lola. Ah oui, et puis il faut passer des bons moments. Il faut, parce que c'est ces moments-là, c'est ces bons moments-là où, pour les moments difficiles, ben, qui, voilà, on ferme les yeux. Ça compense. Ouais. Et je pense que vous faites, tout à l'heure on nous disait Amandine, des manifestations pour récolter de l'argent, puisque tout ça coûte très cher. On ne peut pas dire que vous êtes aidé beaucoup. Donc, qu'avez-vous fait dans le passé et qu'allez-vous faire dans le futur? Alors, dans le passé, ben, on a fait des lotos, on a fait des petites soirées à thème. Et là, le 24 mars, on organise une soirée caritative. Donc à la salle du Château d'Eau et avec la présence de notamment de Anthony Joubert, de Star System, de Fred Bellucci. Une hypnotiseur. Et donc du coup cette soirée servira aussi à récolter des bénéfices pour notre association. Donc ça se passe le 24 mars. Le 24 mars à la salle du Château d'Eau à Monteux, oui. À 21h. À 21h. Et d'autres artistes nous feront le plaisir de passer. De passer. D'accord. On divulguera sur la page Souffle de Bulle au fur et à mesure que les artistes... Ouais, vous inquiétez pas, nous en parlerons. Hein, la semaine prochaine, on en reparle. C'est un samedi, hein, c'est ça? Vendredi. C'est un vendredi. C'est une soirée qui commence à quelle heure? 21h. Ah, c'est le début du show à 21h. Et est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez des sponsors pour cette soirée? Alors, on a... partenaire, si on peut dire, principal qui est L2C Events qui organise le plus gros de... Oui, c'est un événementiel. Oui, ouais. Voilà. Et vous avez les vignerons, vous avez AC Protect, j'ai vu. Hein, vous êtes quand même un peu sponsorisé. Oui, un petit peu, oui. Voilà. Et donc, ben, venez nombreux. Hein, place VIP, c'est à 35 euros. Place normale, 30 euros. Mais c'est pour une bonne... Avec la coupette de champagne. Voilà, j'allais le dire. Parce que pour vous, c'est assez important. Coupe de champagne offerte. Donc tout ça, c'est le 24 mars. C'est vendredi prochain, à 21h, au Château d'Eau. Je pense, Anthony Joubert, moi je le connais, c'est un comique. Hein, il oui. Passait chez Ruquier. Un hypnotiseur, alors si vous voulez... être détendu et calme. Et Star System, je pense que c'est un... transformiste. C'est des transformistes. Ah ben, nous, on était allés en voir, c'est très, ah oui, on très, est allé voir, très agréable. Et l'hypnotiseur, c'est celui qu'on connaît? C'est Fred Bellucci. Non, c'est pas le même. Parce que on en connaît un, là, qu'on avait rencontré toutes les deux. Le monsieur, voilà. Et donc, à part ça, qu'est-ce que vous faites toute l'année? Des lotos, des soirées à thème? Oui, voilà, c'est surtout, donc des lots, on a une loto annuelle et après on essaye de faire le maximum de petits événements, de soirées. On va organiser aussi, au mois de septembre, un vide-grenier. Oui, c'est une bonne idée, ça, oui. Voilà, ouais. Donc on essaye de faire le maximum d'événements pour pouvoir récolter le maximum de fonds. Parce que sinon, vous n'avez aucune aide autre? Non. Très peu. Oui, voilà. Et on risque de se retrouver aussi à la foire d'automne. Oui. Oui, vous êtes sur la place du marché, oui, voilà, parler de et votre association. Au mois de décembre, on est au week-end au jardin Altin. Altin au jardin de Coins. Vous allez vendre des crêpes? Oui. D'accord. On va faire une petite pause et après on récapitulera tout ça, tout ce que vous faites. Et voilà. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Play FM 89.9 avec Véronique et Amandine de Souffle de Bulle, association qui se trouve à Monteux et qui s'occupe de Lola. C'est une petite princesse qui a besoin de soutien tout au long de l'année et surtout pour lui assurer un espoir, l'espoir d'un jour meilleur. Donc, ils ont besoin d'argent, d'énergie. Alors, je lance un appel. Si quelqu'un veut adhérer à votre association, que doit-il faire? Eh ben alors, ils peuvent me contacter sur notre page Facebook qui s'appelle Souffle de Bulle et je me tiendrai à votre disposition pour voilà, répondre à vos questions. Et puis, si jamais vous voulez venir dans notre association, ça serait avec plaisir. Voilà. Pour un don. Ou alors pour un don. Ou alors, si vous avez une idée de manifestation, par exemple des chanteurs qui veulent venir. Ah, peut-être Francesco, ça risque d'intéresser. Oui, je lui en parlerai. Oui, Francesco fait souvent des concerts. De oui, c'est notre animateur musique et il fait souvent des concerts. Je peux y en parler. Je peux organiser ça. Avec plaisir. Je pense que toute bonne volonté est bonne à prendre. Et bon, on va continuer avec Alain et à la fin on reparlera de votre. Oui. Allez. Oh, bonheur. Oh, il dormait. Alain, réveille-toi. Allez. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Un roman policier, mais un roman policier gastronomique. Ouh. Alors, c'est Noël Baleine, celui qui a fait la série télé Le sang de la vigne. Ah, d'accord. Ah, oui. Qui a écrit, j'en ai pour l'instant, à quatre romans, qui s'appellent Des crimes gourmands. Mmh. Alors, le premier, c'est Petit meurtre à l'étouffée. C'est édité chez Fayard. Alors, l'histoire, c'est... Laure Grenadier, une rédactrice en chef du magazine Plaisir de Table, part en reportage avec son photographe, Paco Alvarez, pour dresser l'inventaire des bouchons lyonnais. Au cœur de la capitale des Gaules, tous deux envisagent de rendre hommage aux acteurs de l'excellence gastronomique, les chefs illustres, les adresses confidentielles, les producteurs locaux. Et tout bascule lorsque le propriétaire d'un restaurant typique de la célèbre rue Saint-Jean est retrouvé assassiné au petit matin. La ville est en émoi et un vent de panique souffle sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Mais le lendemain, le tenancier d'un bouchon historique de la rue Mercière est à son tour tué selon le même procédé. Laure Grenadier connaissait ses personnages et cherche à comprendre ce qui se cache derrière ces meurtres en série. Crimes crapuleux, jalousie corporatiste, vengeance sentimentale, qui sait ? Elle tente de lever le voile qui masque un milieu peu enclin à se livrer. Alors l'enquête de la jeune femme, ça devient un prétexte à une exploration des traditions, rues, recettes emblématiques de Lyon. Nous apprenons également beaucoup d'histoires et d'anecdotes concernant l'univers particulier des chefs et de leurs établissements. Alors le livre est jalonné de grands noms comme Bocuse, la mère Brasier. On salive à la description des plats et des recettes comme le tablier de sapeur ou la poularde demi-deuil. C'est un petit roman policier, mais c'est un régal pour l'imaginaire culinaire. C'est bien, à déguster. Est-ce qu'il y a des recettes dedans ? Il y a des recettes, il y a de tout. C'est... En fait, c'est une découverte géographique, culinaire et aussi policière. Ça change un peu. C'est un guide touristique gastronomique en même temps qu'un roman policier. Il faut dire à Lyon, ça se déguste. Ouais, c'est les maires sans modération. Qui tiennent les bouchons. C'est les maires qui tiennent les bouchons. Oui. Voilà, c'est une tradition lyonnaise. Voilà, mais on va faire une petite pause. Et après, on parlera d'un film, peut-être. Ah oui. Sûrement, même. Bah oui. À tout à l'heure. Je sais pas. Fly et fly et fly. Dis-moi un peu, qu'allons-nous faire pour nous protéger de l'hiver qui rôde, du bois, de la paille ou des briques. Déjà le froid, j'ai les yeux qui me piquent. Le loup souffle sur la plaine. Hey, we're beautiful again. Oh, oh, oh. Serre-toi, serre ton bonheur tant qu'il est là. S'il est là, tes lèvres posées sur les miennes. Yeah. bienvenue sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idé. Et Josie va nous parler d'un film. Tu veux ou tu veux pas, Cody? Parce que je donne aussi le choix. je sais pas, des fois ça m'arrive, mais pas à ce point quand même. Alors les filles, vous savez que des fois on exaspère les garçons parce qu'on ne sait pas. Alors on fait ça, on fait pas ça, on fait ça, on fait on pas ça. On sait pas comment s'habiller. Eh bien, si vous voulez rentrer dans le personnage, vous allez voir L'embarras du choix qui est sorti aujourd'hui, qui dure 1h30 avec Éric Lavenne, Alexandra Lamy, Arnaud Ducruet et Jamie Bamber. C'est une comédie française, alors frites ou salades, amis ou amants, droite ou gauche, la vie est jalonnée de petites ou de grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette, c'est qu'elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleurs amis de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul et d'Étienne, aussi charmants et différents l'un de l'autre, et forcément le cœur de Juliette est belle balance. Pour la première fois, personne ne pourra prendre une décision à sa place. Surtout, eh ben, à un moment donné, c'est que ces deux messieurs vont le demander en mariage. Et elle va dire oui aux deux personnes. Et là... Elle va se mettre dans une situation embarrassante. Ça devient vraiment compliqué, tout ça. Donc... C'est la deuxième fois qu'on retrouve Alexandra Lamy et Éric Lavenne dans un film où on les avait trouvés, on les a déjà vus dans Retour chez ma mère, où ça avait connu un succès l'été dernier. On a une Alexandra Lamy qui est une femme indécise, une jolie comédie française. Vous pouvez aller passer un bon moment. Ben voilà, ça me doit détendre. Hein, voilà. Je pense que... Voilà, mais moi je voudrais vous emmener à l'Isle-sur-la-Sorgue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière on avait reçu un monsieur qui nous avait parlé des Nuits de l'eau. Donc c'est la 10e édition. Ça se passe ce samedi, là, 18 mars, en présence de Sophie Potel, qui est multiple championne de France à l'international de natation synchronisée. Alors c'est le Nautique Club Lillois, en partenariat avec l'UNICEF. C'est pour... apporter de l'eau, bien sûr, dans les pays où ils en manquent, parce que nous, on tourne le robinet, on ne se rend pas compte, mais on a une chance inouïe. Alors, sauf quand on a des coupures. Sauf quand on a des coupures. Oui, en ce moment, on a dans un quartier. Oui, ils font des travaux, oui. Mais quand ils nous préviennent, c'est bon, mais quand ils nous préviennent pas, c'est plus embêtant. Donc cet événement entre dans le cadre du label Ville Amie des enfants, obtenu par cette ville, hein, la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, et ça s'est passé en 2016. Attachée à la défense des droits de l'enfant, la ville soutient et promeut cet événement. Alors, il y a les deux associations subaquatiques de la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, l'organisme public international et la fédération de natation qui mettent en place cette soirée. Ça se passe à la piscine municipale qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Et il y aura aussi Laurie Tillman, l'ancienne Miss, je ne sais pas si vous en rappelez. Voilà. Et ce gala nautique commence à 16h, hein, c'est jusqu'à 22h. L'entrée, c'est 5 euros. C'est pas excessif. C'est pas excessif, et voilà, c'est en faveur de l'UNICEF. Et vous pouvez même prendre un baptême de plongée pour 5 euros. Un baptême de plongée? Voilà, mais où? Oui. Dans la piscine. Ah. Dans la baignoire. Dans la sorgue, c'est un peu risqué. Dans la sorgue. Voilà, ça c'est Josie. Bon, je plane, c'est bon. Continue. Oui, elle n'a pas bien dormi. Non, c'est pas... À c'est quoi? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Eh bien, oui, si vous voulez, bon, vous pouvez aller plonger dans une piscine, mais aussi vous pouvez regarder des vélos, parce que vous avez... Oui, c'est pas pareil. Ce samedi 18 mars et ce dimanche 19 mars, eh bien, le club sarianais de BMX organise, je crois, attendez que je ne dise pas de bêtises... La Coupe de France 2017, ils attendent énormément de personnes. Il y a 800 participants en 20 catégories, dont 8 équipes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je voulais dire? Ça y est, voilà, c'est des adultes ou des enfants? Oh, il y a de tout âge, je pense. De tout, il y a de tout. C'est ouvert de 9h à 17h et c'est entrée libre. Et si vous voulez ça se passe où? À Sarriam. Mais dans quel endroit? À la Sainte-Croix. Voilà, à la Sainte-Croix. Je m'en doutais un peu. À la Sainte-Croix, il y a des parkings gratuits, oui, il y a des petites cabanettes, je pense, pour manger. Le tout, c'est de croiser les doigts qu'il fasse beau, parce qu'apparemment, alors, l'endroit est très agréable. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est un endroit très agréable. Et ouais. C'est quand même quelque chose, puisque c'est la Coupe de France 2017. Allez-y, voilà. On va se faire une... Alors, la plongée... Le vélo. Voilà, ben écoute, on est sportive dans la même, sur notre fauteuil. Oui. Allez, ça on se fait une pause sur lire. Notre fauteuil et on se retrouve tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hits sans pub. Sans pub. Vous êtes Cody. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? Moi, je vais te parler des 7e rencontres du Sud Cinéma à Avignon. C'est du 14 au 18 mars. C'est la 7e édition de cet événement cinématographique professionnel ouvert au public dans le sud de la France. 5 journées pour découvrir et partager la passion des films avec tous ceux qui font le cinéma, dont une pour les jeunes publics. Ça se passe dans plusieurs cinémas du Grand Avignon. Alors, ces rencontres ont été créées à l'initiative de professionnels du cinéma désireux d'implanter dans le sud de la France un événement capable de contribuer aux rencontres et aux échanges entre les différents professionnels de l'exploitation cinématographique dans le but de découvrir, promouvoir et accompagner les films qui sortiront prochainement sur le territoire national. Donc, tu devrais y aller. Je rigole. Il y a Guy Marchand, Céline Salette, Étienne Thomas, Dominique Farrugia, Cédric Clapiche, Gérard Junio, c'est quand même un bon, une belle brochette. Voilà, elle, tu t'étrangles, tu veux que je dise une autre sortie? Continue, voilà. Si tu veux, je t'écoute. Moi, je vous emmène voir une fiction préhistorique mêlant humour, poésie et décalage temporel dans un univers de masques, de contes et de marionnettes. C'est bien sûr à l'auditorium Jean Moulin, au Thor. C'est à partir de 7 ans. C'est le dimanche 19 mars à 17h30. L'esprit d'un homme de Cro-Magnon... 19 mars, qu'est-ce que j'ai dit? 17 mars. Et pourquoi j'ai dit 17 mars? Ah oui, parce que 19 mars 2017. Voilà. Et mon regard a mélangé les deux. Mmh. Heureusement que tu es là, tu veilles. Ah. Hein. Allez, ça sert à un homme. Il est là. Il est vigilant. Alors, c'est l'esprit d'un homme de Cro-Magnon, alors il se réveille, d'un sommeil de quelques millions d'années. Dans une exposition de masques africains, il revit son aventure à l'âge de la naissance de l'art, de la parole, des mammouths, des lions et des cavernes et des incertitudes. Après le succès de 20 000 lieues sous les mers, Sidney Bernard nous embarque dans une odyssée fantastique de 20 000 années sur la Terre dans l'extraordinaire épopée de l'évolution de la parole. Ça, c'est pour nous, la parole. Le spectacle nous entraîne sans relâche dans un monde tourbillonnant d'inventions, d'effets de lumière et de fantastique. Le tout servi par de surprenantes trouvailles visuelles, c'est pour à partir de 7 ans, donc on peut y aller. C'est à l'auditorium Jean Moulin, c'est Chemin des Estourants, au Thor. Ah ben, oui, j'enchaîne. Vas-y, enchaîne. Au Thor, ce vendredi 17 mars à 21h, vous avez un dîner spectacle avec un cabaret flamenco. Donc, j'ai dit une bêtise, tu vois. c'est pas autant. C'est au Chêne Noir. C'est au Chêne Noir. Donc, le Chêne Noir, Claudie, c'est où le Chêne Noir? Le Chêne Noir, c'est Avignon. C'est Avignon. Vous avez, parce qu'autant, il y a au moment donné aussi, ils vont en faire un, je crois, bientôt. Oui, mais je pense que c'est le festival flamenco. Oui, bien. Ouais. Là, c'est au Chêne Noir, à Avignon. Vous avez un cabaret flamenco avec Soléa Fernandez, qui est là donc ce vendredi 17 mars à 21h et qui avec aussi elle est accompagnée de 6 musiciens et c'est apparemment très bien si vous aimez le flamenco. Olé. Olé. Et je crois qu'il y a pas mal de flamenco dans le coin en ce moment. Oui, c'est le festival. Hein. Il y a au Tablier. C'est cette semaine. Non, c'est la semaine d'après. Au théâtre du Tablier. Thor, où il est passé, où il va arriver, il y en a aussi. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à nous dire d'intéressant? On fait une pause et après, on repart. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Baby, sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Ooh, Don't you hesitate, girl, put your record on. Tell me your favorite song. Just go ahead and let your head down. Stop our faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead and let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely. Sipping tea in a bar on the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel the fade, but it's alright. The more you stay the same, things seem to change. Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your record on. Tell me your favorite song. Just go ahead and let your head down. Stop our faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead and let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. It was more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to, girl. Put your records on. Tell me your favorite song. Just go ahead and let your head down. Stop by our faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead and let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Bonjour Fly FM 89.9. Alors évidemment aujourd'hui, bon, je suis un peu oui, mais oui. Si je crois que Claudie, tu as un truc, si jamais on est trop énervé, pour se calmer. Ah oui, c'est la valériane, je t'en ai déjà parlé souvent. Alors c'est pour lutter contre l'agitation, l'anxiété, les troubles du sommeil. C'est vrai que c'est très efficace. La valériane, c'est la plante qui apaise notre système nerveux. Alors moi je l'ai acheté en gélule. Il y a le passiflore aussi. À la pharmacie, il y a le la passiflore aussi, je crois. Et c'est un allié de tous ceux qui souffrent d'insomnie. Ses bienfaits ont été reconnus par l'Agence européenne du médicament. Tu peux la prendre en infusion. Et je crois qu'Alain nous a dit qu'il ne fallait pas trop implanter parce que c'est l'herbe aux chats. Voilà, les chats adorent la valériane. Mais ça les excite ou ça les calme? En gélule, je ne sais pas, mais en herbe, oui. Et tu en as déjà vu? C'est comment la valériane? Ça ressemble à quoi? Tu le sais, Alain? Ça ressemble un petit peu... je ne sais pas comment dire... C'est espèce de plante qui fait des fleurs blanches ou roses. Peut-être. Ouais. Oui. Non, moi ouais. Je les ai achetées en gélule, alors je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ouais. Voilà. Bon, si vous voulez des chats, vous en plantez dans le jardin. Si vous n'en voulez pas, vous n'en plantez pas. En huile essentielle, vous avez le petit grain aussi, à mettre une goutte sur le poignet. D'accord. Ah bah c'est vrai que les huiles essentielles, c'est nous, en ce moment, on est un peu branchés là-dessus. Oui, on a reçu une dame, j'ai fait une journée avec elle sur les huiles essentielles. Même si qu'il faut que je les achète. Voilà, bien sûr. Donc, tu veux que je te prenne du bicarbonate? Alors, le bicarbonate aussi, ça, c'est tout. Voilà. C'est en bain de mouche s'il y a des aftes, à boire en cas d'aigreur d'estomac. On peut en ajouter une pincée dans l'eau de cuisson des légumes pour les rendre plus digestes. Moi, j'en mets dans ma machine à laver, dans... C'est vrai que le bicarbonate de soude, c'est... Alors, c'est et moi, j'ai testé... de levure. Oui, voilà. Pour la place de la levure. Pour la guise de levure. Bicarbonate, Les Anglais n'utilisent que ça comme levure. Bicarbonate et vinaigre, effectivement, vous lavez le sol avec. Ouais. Mais pas dans les gâteaux. Non. Non, parce qu'il parlait de gâteaux. Tu laves le sol avec, c'est un désodorisant. Moi, j'ai... Dans mon trois chats maintenant, donc de temps en temps, il y en a une qui marque son territoire, qui m'a fait une bêtise. J'ai lavé avec du bicarbonate et du vinaigre. Elle n'est plus revenue. Mais moi, c'était les remèdes naturels. C'était pas trop bon. C'est vrai qu'on a dérivé. Mais c'est naturel. Oui, non, mais je veux dire, c'est des remèdes pour se soigner. Ah, oui, voilà. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est très bien pour le linge, tout ça. Et la camomille, ses vertus antispasmodiques, anti-inflammatoires et analgésiques en font une alliée de choix en cas d'état grippaux, de maux d'estomac ou de crise d'allergie. Cette plante est aussi excellente pour la peau. Et même se laver les cheveux avec de la camomille. J'ai testé, mais si on est brune, on ne va pas devenir blonde. Ouais. Mais moi, quand j'étais jeune, ça me blondissait les cheveux. Ah ouais, ouais. On fait une pause. Et on se retrouve tout à l'heure. On continue. Fly FM. Dans une minute. Dans une minute. Le meilleur du hit revient. ce week-end Fly FM s'enflamme avec Dépêche Mode. À l'occasion du prochain album Spirit, Fly FM vous donne rendez-vous ce week-end avec Dépêche Mode. Retrouvez toutes les heures un titre de Dépêche Mode. Fly FM. Autour d'eux, le silence, la ville déserte. Seul. Oh, y a quelqu'un ! Ils ne sont plus que cinq. Leur combat pour la survie commence. Si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Seul. D'après la BD Phénomène. J'ai jamais vu un truc pareil. Seul. Un thriller fantastique de David Moreau. Le 8 février au cinéma. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idée. Josy, je crois que tu vas nous emmener avec des parapluies comme Mary Poppins dans le ciel de Carpentras. Apparemment, oui, il y a toujours une exposition de 50 parapluies peints à Carpentras, au passage Boyer. Ça a commencé le 27 février et ça continue jusqu'au 11 juin 2017. Donc, allez voir si vous n'êtes pas déjà allé. Et puis, si on peut continuer... là, c'est autre chose. Je passe du coq à l'âne. Ceux qui aiment Lambert Wilson, j'en avais déjà parlé. Je pense qu'il ne doit plus avoir de place, mais bon, vous pouvez toujours essayer. On ne sait jamais. Mmh. À Veden, vous avez le vendredi 24 mars à 20h30, 1h30 de spectacle sur réservation. Hein. Il faut y aller. C'est l'Opéra d'Avignon qui organise ça. Alors, on me dit qu'il ne faut pas donner le téléphone. Je le dis quand même. Oui, on ne sait jamais. C'est pas grave. 04 90 14 26 40. Et vous avez donc Lambert Wilson qui chante une trentaine de chansons. Deux Yvon Montand. D'accord, c'est quand ça, c'est ? Le 24 mars à 20h30 à Veden. Et c'est organisé... Pour la voir, non ? C'est pas... c'est quoi le... hein ? L'endroit ? À Veden, l'autre scène. L'autre scène. Il y en a pas, je pense. C'est 40 euros l'entrée. Et donc, il reprend des chansons de Yves Montand, et il y a une trentaine de chansons arrangées. Je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Il y a une très belle voix. Lambert Wilson, je pense qu'ils ont tous les deux la même classe. Mais j'avais vu avec le chapeau et il a un peu la même allure. Bon. Oui. Voilà, je crois qu'on va bientôt se quitter. Donc, on va reprendre la parole avec Véronique et Amandine. Qui font partie de la... enfin, qui ont créé l'association Souffle de Bulle. Donc, on a oublié tout à l'heure de parler du regard des autres sur les enfants, les adultes malades. Est-ce que c'est difficile à vivre ? Oui. J'imagine. Oui, c'est très difficile à vivre, en sachant que, oui, l'adulte est confronté, mais quand l'enfant est encore plus dur. Oui, les enfants sont... on vit dans une société où... Il faut être comme les autres. Ouais, il faut rentrer dans un moule et c'est surtout que je pense qu'il y a beaucoup de manque de dialogue aujourd'hui entre les parents et leurs enfants et ils ont du mal à expliquer que Lola ou plein d'autres enfants qui sont atteints d'handicap ou de maladies orphelines, parce qu'il y a des maladies qui ne se voient pas mais qui sont présentes, et elles n'ont pas la peste, elles ne sont pas contaminées. Oui, ça ne se donne pas. Si tu as un message à passer. Moi j'ai vécu des choses, quoi. Moi j'ai un jour une dame à la pharmacie qui m'a dit c'est la maman de Lola, elle est malade d'orpheline, on ne sait pas si c'est contagieux, donc on ne s'approche pas d'elle, on me disait plus bonjour, quoi. Oh là là. C'est quoi. Lola n'a plus été invitée aux anniversaires parce qu'elle était en fauteuil roulant, c'est dur, parce que l'enfant, il faut accepter, surtout quand tu nais normalement, et qu'il t'arrive ça et que tout bascule dans ta vie, même si tu n'as que 5 ans, tu as des prises de conscience. Parce que ces enfants-là, ils mûrissent malheureusement plus vite que les autres. Oui, ils sont confrontés à la réalité de la vie plus vite que les autres. Et c'est vrai que des fois, ça serait bien de laisser tomber un peu Internet, Facebook, et pouvoir avoir un temps à la maison, ne serait-ce que le repas, pouvoir discuter et expliquer vraiment les vraies valeurs de la vie. Vous avez tout à fait raison. J'adhère tout à fait à ce que tu viens de dire, parce que l'autre fois, je disais à Claudie, je suis allée chercher mon fils à l'école, il y avait des gens qui attendaient dans une voiture, et aucune personne n'était dehors. Ils étaient tous dans leur voiture avec leur portable, donc je disais, aucune communication. C'est pas je suis contre le modernisme, ça peut avoir des bons côtés, mais ne serait-ce qu'avant, on était tous devant la porte et il pouvait y avoir un dialogue, un échange, quelque chose. Là, chacun dans la voiture avait leur téléphone. Mais à la salle d'attente du médecin, c'est pareil. Chacun est avec son téléphone et... Il n'y a plus de regard, il n'y a plus rien. Tout à fait. Bon, je pense qu'on va reparler de cette soirée du 24 mars. Amandine, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Donc, c'est le 24 mars, encore à la salle du Château d'Eau à Monteux. Et voilà, il y aura Anthony Joubert qui est un public. Il y aura les Star System, c'est des transformistes. Il y aura Fred Bellucci qui est un hypnotiseur. Et puis, voilà, nous, on sera présents sur la soirée. C'est un moment de rencontre, d'échange et vous allez passer une superbe soirée, voilà, je vous l'assure. Que tout le monde vienne, voilà. C'est le 24 mars à 21h et vous aurez même droit à une coupe de champagne. Oui, voilà. C'est ça. Dans c'est la joie et la bonne humeur et le sourire surtout. Exactement. Et si on veut vous contacter pour adhérer à votre association? Donc là, on a une page Facebook qui s'appelle Souffle de Bulle et je me tiens à votre disposition pour voilà, plus de renseignements. Et puis si vous voulez rentrer avec nous dans notre association, ça sera avec plaisir. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Toutes les bonnes volontés. C'est ça. Par contre, si vous voulez réserver les places pour le 24, oui. Sur les affiches, il y a mon numéro de téléphone. Voilà. Oui, je voulais que je le dise. Oui. C'est le 06 10 42 09 18. Et comme ça, ceux qui ne veulent pas commander leur place sur Internet... Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop tout ça. Tout à fait, tout à fait. J'ai des places à la maison et je peux me déplacer sur Monteux ou se donner rendez-vous quelque part. Et voilà. On va redire le numéro 06 10 42 09 18. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen par la mairie ou pour non. Les... Non, c'est, non, c'est vous qui faites les réservations. D'accord. Donc, eh ben, notre rediffusion va avoir lieu vendredi à 14h. Vous aurez le podcast sur notre site, hein, rapidement. Et la semaine prochaine, nous avons peut-être, c'est pas encore sûr parce que la dame, elle ne sait pas si elle est libre ou non, mais normalement, on doit avoir la ferme Loustau de Safran. Ah, je l'attends avec impatience. Qui élève des ânes, qui fait des savons à base de lait d'ânesse. Ils ont une ferme, on peut y aller si on téléphone, visiter avec les enfants, c'est gratuit. Et puis je trouve que les photos vers le camping à Monteux. Ah oui, voilà. C'était très bien. J'ai passé une fois à pied devant. Oui, d'accord. Alors c'est fini, Claudie. Non, on va saluer tout le monde. Au revoir, Amandine. Au revoir. Au revoir, Véronique. Au revoir. Moi, je tenais à vous remercier de nous avoir reçus. Mais c'était avec beaucoup de. Une belle énergie en tous les cas, même si elle est calme, mais elle est belle, donc c'est important. Des fois on est moins calme. On était calme. Un message quand même à passer. Allez-y. C'est important. On vit dans une société où les temps sont durs et vont devenir de plus en plus durs. Et on oublie qui on est déjà et d'où on vient. Et il est super important de regarder son voisin, quoi, parce que c'est peut-être les premiers à aider ou dans notre famille. Ouvrez votre cœur. C'est super important. Bon message. Et en tout cas, merci beaucoup. Et à bientôt, on ira vous voir le 24 mars. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.